Piste 22. Exercice 1. 1. 10 plus 2 fois 2 égale 24. 2. 3 fois 3 égale 9. 3. 60 plus 10 égale 70. 4. 20 fois 4 plus 12 égale 92. 5. 30 fois 2 plus 14 égale 74. 6. 9 fois 3 égale 27. 7. 5 fois 7 égale 35. 8. 3 fois 9 plus 3 égale 30. 9. 20 fois 4 plus 8 égale 88. 10. 20 fois 2 plus 3 égale 43.